Restez calme. Tout va très bien se passer. L'être humain, improbable mécanique lancé dans une quête perpétuelle au cœur des labyrinthes psychiques, où les neurones s'entrechoquent et où Toumaï répond à Aristote. Au fin fond de l'univers, quand il n'y a plus aucune solution, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique. And what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature. Elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça roule, ma poule ? Moi, il faut voir, ma nuit fut un exutoire avec gilet jaune et triangle obligatoire. Enfin, passons. Quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Dany le Rouge, dossier Epsilon 005. Quoi ? On reçoit Cohn-Bendit ? Mais non ! Dany le Rouge, professeur Colin ! Daniel Mermet, quoi ! Vous savez, le révolutionnaire ancillaire et en si bémol. Vous creusez dans l'espièglerie, professeur Mauduit. Dites-moi plutôt, comment se présente son fichu dossier ? Oh là, son cas ne s'annonce pas pâle. À mon avis, va falloir apprendre à éviter les cocktails Molotov. En gros, il est complètement déjanté et c'est bien pour ça qu'il est là. Bon, nous allons voir ça. Faites entrer le patient, professeur Mauduit. Daniel Mermet, vous êtes attendu au Labo Studio 81. Daniel, à table. Bonjour, monsieur Mermet. Bonjour. Comment vous sentez-vous ce matin, monsieur Mermet ? Parfait, tout va bien. Bon. Sachez tout de même que le ministère psychique considère ce matin que vous pourriez être dangereux pour la société, ô combien ! Vous êtes dans le collimateur de notre gouvernement et nous sommes ici pour trifouiller votre inconscient. D'ailleurs, le professeur Mauduit va nous exposer immédiatement ce qui nous tracasse chez vous. Eh oui, monsieur Mermet, votre comportement nous fait penser que vous êtes atteint, primo, d'un ubiquitisme prononcé. Puisqu'on ne sait jamais vraiment où vous êtes là-bas, ici, va savoir. Secondo, vous subissez un mimétisme babouviste. Et enfin, vous êtes sans doute un fétichiste de la bonne conscience de France Inter et franchement, ça fout la trouille. Oui, et pour analyser votre santé psychique, monsieur Mermet, et afin de répondre aux exigences de notre gouvernement, nous commencerons par dresser votre portrait psychologique. Ensuite, nous vous ferons subir une petite série de tests sadiques. Et enfin, vous n'échapperez pas à nos conclusions impartiales sur votre architecture mentale afin d'établir, bien entendu, une petite prescription non négociable. Et le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre séance, afin de vous préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien, montez le son, monsieur Mermet. Soyez le bienvenu, c'est la panique. Et faites connaissance avec ce fêlé de la trompette du ministère psychique. Well, Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Great God! Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, great God Almighty, Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. Great big wheel and a little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry. He cried, old bones, old bones are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. Old bones, bones, won't you hear me now? Old bones, you hear the word of God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Great God! Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, God told Ezekiel to prophesy. Zeke tried to do it, and that's no lie. God sent the wind from the west and the east. Spirit struck him from his head to his feet. He cried, old bones, old bones are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. Old bones, bones, won't you hear me now? Old bones, you hear the word of God. Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air. Well, old Ezekiel tried his best to do the thing the Lord had told him to. He did his best, that's all he can. After all, Zeke was a natural man. Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air. One more. Ezekiel saw the wheel a-rolling, the great big wheel a-turning over. My man, Zeke. Ezekiel saw the wheel a-rolling, way in the middle of the air. Yes, indeed, old Zeke was wailing that time. Ezekiel saw the wheel, c'était Louis Armstrong, mieux que les trompettes de Jéricho. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Avant tout, le ministère psychique partage avec vénération les réflexions profondes du professeur Antonin Artaud pour cette analyse introductive à notre séance du jour consacrée ce matin au dossier psychologique de M. Daniel Mermet. Tout d'abord, êtes-vous bien installé, Monsieur Mermet ? Parfaitement. Alors, confirmez à nos auditeurs que vous êtes maintenant ici avec nous et non pas là-bas. Je suis ici avec vous. Parfait. Et non pas là-bas. Parfait. Dites-nous, choupa choup ou chorizo ? Alors, choupa choup. Choupa choup. Ouais, oui. Mais c'est bien ce que je pensais. Et moi aussi, effectivement, c'est ce côté barcelonais, la CNT, les brigades internationales. Exactement. Et vous voyez, Monsieur Mermet, le ministère psychique se penche ce matin sur votre angoissant dossier. Et pour commencer notre examen, nous avons essayé de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de l'image que vous vous êtes construite. Oui, qui êtes-vous, Daniel Mermet ? Nous en avons beaucoup appris sur votre cas, Mermet, et nous sommes assez inquiets. Bon, déjà, avouons que nos recherches n'ont pas été difficiles, tant votre fiche des RG ou celle du fichier Edwige sont imposantes. Et, cher monsieur, vous rendez-vous compte de la gravité de vos perversions malsaines et de votre attirance pour les pauvres qui transparaît dans vos reportages. Au centre de vacances Cookie Dingler de Mufflin, les Haoutiens sont à peine partis que de nouveaux arrivants envahissent déjà les bungalows. Parmi ces nouveaux arrivants, Robert et André, que je vous propose de rencontrer. Alors, Robert et André, on n'a pas de sous ? On part en septembre ? Oui, c'est vrai que c'est moins cher, mais il y a moins de monde aussi. Oui, enfin, si on veut être tranquille, on peut aussi faire le tour du monde avec un yacht. Oh, monsieur, c'est pas pour nous. Mon mari était un ouvrier, il a travaillé toute sa vie. Et on n'a jamais été riche. Ah oui, mais vous auriez pu travailler aussi, André. Mais monsieur, j'ai élevé mes 6 enfants. Ah mais ça, personne ne vous a obligé non plus à avoir 6 enfants. Hein. On voit où ça vous mène. Hein. Une carrière insignifiante, des grossesses multiples, et puis voilà, on se retrouve dans un bungalow de 10 mètres carrés. On a les vacances qu'on mérite aussi. Hein. Mais quand même, ça nous fait un changement d'air. Vous avez raison, Robert. Il faut prendre ça avec philosophie. Quand on a raté sa vie, hein, on a raté sa vie. Alors, Mermet, soyez francs avec nous, les pauvres. C'est pour l'image, vous, dans la vie. Vous êtes plutôt grosse bagnole, belle pépée et pina colada sur un yacht, non ? Voilà, c'est ça, exactement. Je suis pété de thunes. Et les pauvres, ça a arrangé votre image. Absolument, absolument. Opportunisme absolu. Opportunisme absolu. Professeur Maudby, vous avez quelque chose à rajouter ? Pas particulièrement. Moi, j'apprécie cette franchise de Daniel Mermet. Mais est-ce que les pauvres sont vraiment un si bon créneau que ça ? Mais si, ça se passe pas mal. Mais êtes-vous certain de vous consacrer à tous les pauvres gens ? Les Français doivent savoir. Moi, je suis pauvre. Hein ? Je suis dans des taudis, j'ai rien. Je suis trop endetté, c'est la merde. Moi je suis pas foutu. Enfin bon. Une réaction, Daniel Mermet, à cette pauvre personne ? Ben écoutez, non, mais je pense que le pauvre est utile, parce que si il n'y avait pas le pauvre, on n'aurait pas cet épouvantail. Le pauvre, c'est d'abord un épouvantail. Et il a son utilité. Imaginez une société sans pauvres. Il n'y aurait que des riches comme vous et moi. Oui. ce serait quand même assez fâcheux. Donc le pauvre, il a son utilité, celui qu'on vient d'entendre, je crois qu'il a une certaine utilité. Professeur Mauduit ? Effectivement, Daniel Mermet, mais penseriez-vous que, j'utilise vos mots, le patronat alimenterait un certain chômage de façon à conserver cette peur un peu latente ? Mais bien sûr, vous croyez plaisanter, mais c'est la vérité. Ça s'appelle le volant de chômage et c'est une vieille histoire. Il s'agit de faire peur à l'ouvrier. On ne parle pas forcément de la même chose. Quand on ne mélangeait pas, cher médecin, psychiatre, le pauvre et l'ouvrier. Mais en l'occurrence, effectivement, il faut un certain volant de chômage de façon à maîtriser, tenter de maîtriser la classe populaire. Dites-nous, monsieur Mermet, d'après vous, pourquoi Superman, qui était, nous dit-on, intelligent, porte-t-il son slip par-dessus sa combinaison ? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, au début, Superman avait également des bretelles. Non. Pour tenir son pantalon. Et puis, avec le temps, il a pensé... C'est une façon de se libérer. Hein, il a lâché les bretelles, mais il a absolument tenu à garder le slip par-dessus. Ah oui. Dites-nous, monsieur Mermet, d'après vous... Vous qui aimez tant dénoncer les injustices, qui a volé l'orange mécanique du marchand, bon sang ? Ah, alors ça, l'enquête est en cours. Ah. Et on est sur la piste, mais je ne vais pas vous le dévoiler maintenant. Mais là, on s'approche, les gars. Oui, c'est vrai, on s'approche. Oui. Oh oui, mais j'en dirai pas plus. Vous êtes vraiment le bon patient du ministère psyché ce matin. Continuons à fouiller votre psyché, monsieur Mermet, car nous sommes également inquiets de votre propension à l'ubiquité, puisqu'on ne sait jamais où il faut vous chercher, ici, ailleurs, là-bas, vous êtes toujours en voyage. Le plus important dans un voyage, c'est les bagages. Ni trop, ni pas assez. Il faut un manteau très chaud pour les pays froids et un manteau très froid pour les pays chauds. S'il y a des éléphants, emportez une lorgnette. Vous les regarderez par le petit bout et vous n'aurez plus peur du tout. N'oubliez pas de l'arnica, très important pour soigner les chameaux qui se font des bosses. À propos de chameaux, emportez toujours un dictionnaire pour savoir combien il y a de bosses sur un dromadaire. Alors, dites-nous, Mermet, êtes-vous quelqu'un d'instable avec tous ces voyages ? Ce document... Merveilleux. Il a 30 ans. Hein. Oui, merveilleux. 30 ans. Non, avec un joli mix de Morricone en dessous. Très, très beau, le cow-boy Mermet. Mon nom est personne. C'est pas moi qui fais la réalisation. Oh, ben oui, ben voyons. Ben j'ai une excuse. Mais j'ai le nom du gars. Si vous voulez. Voilà. C'est pas le voleur d'orange, jamais. Êtes-vous quelqu'un d'instable ? Non, tout à fait. Non, je suis tout à fait stable. Non. Je bouge, mais ça, on peut très bien bouger et rester stable à l'intérieur de soi-même. Alors, vous êtes plutôt Zavata ou Zapata ? Eh bien, les deux. C'est une très bonne, un très bon jeu de mots. Un peu les deux. Oui, zapatiste et zavatiste. Ouais. Un peu clown, un peu cirque, un peu révolutionnaire. Oui, d'ailleurs, j'ai été clown, j'ai fait des numéros de clown. Ouais. C'est vrai. Dans mon Tiens passé. Donc. Tout à fait. Jeune ? J'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui, dans les années 70. Ouais. Vous êtes des clowns pour qui ? J'ai monté une troupe de théâtre qui s'appelait le Théâtre de la Table qui recule et qui a fonctionné de 72 à 76 pendant 4 ans. On a joué notamment à Avignon, 73-74. Et dans le spectacle... Ah bah bien sûr. Ah oui, rassurez-nous. Je faisais des numéros de clowns, donc ça c'est le côté Zavata, mais on était déjà de furieux zapatistes à cette époque-là. Et vous étiez plutôt... Auguste ou clown blanc dans ce cas-là ? Alors j'étais Auguste. Vous étiez Auguste. Ah, Auguste, évidemment. D'où le nez rouge. On retrouve le rouge un peu. Oui, absolument. Parfait, monsieur Mermet. Nous notons votre réponse et nous continuons notre prospection. Vous avez donc sillonné le monde et siphonné pas mal, et nous avons noté que vos reportages ne sont souvent qu'un cri. Attention. Monsieur, enlevez. Ne faites pas ça, c'est une agression. C'est une agression. Arrêtez. Alors, allez-y maintenant, expliquez-nous ce système de défense, gredin, vous êtes complètement fou. Alors, c'est un système, c'était en Tunisie, et nous étions en prise avec les agents, la police de notre ami Ben Ali. Ah oui, notre voilà. Ami Benelli. Et grâce à nos cris et à nos hurlements, ils se sont carapatés, les gars. C'était une très bonne technique. On hurlait comme ça. Mais vous avez hurlé dans le micro comme nous un fou. Nous avons hurlé, car c'était un moyen pour nous d'attirer l'attention des consommateurs d'un restaurant qui était juste au-dessus de nous. Et ça fait que ces flics se sont écartés, se sont calmés, mais ils nous ont poursuivis ensuite. Enfin, c'est une longue histoire, mais c'était effectivement notre deuxième voyage chez notre ami Benelli en Tunis. Et le dernier voyage, parce que maintenant, je crois que je suis plus tellement désiré dans ce pays. Petit problème à l'aéroport. Voilà. oui. Professeur Mauduit ? Je ne crie pas avec les loups. Très bien. Comme chacun sait, vous êtes le révolté des ondes entre 15h et 16h. Vous êtes l'indéboulonnable révolutionnaire. Parmi les boulonnables, je suis l'un d'eux. Voilà. Et surtout, la bonne conscience de France Inter. Mais vous rendez-vous compte que vous avez créé un étrange groupuscule altermondialiste et anticapitaliste qui vous voit comme son grand gourou. Le mode de vie est très simple. Nous nous en référons à notre grand gourou, Skippy, qui est le maître à penser du lieu et du culte de Rishnu. Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou ? Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Rishnu qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Alors, Mermet, est-ce que vous êtes le Skippy, le gourou, ici, à la France Inter ? Non, mais notre secte marche très très bien, quand même. C'est-à-dire ? Mais ça marche très bien, cette secte, parce que ça fait, on calculait hier, ça fait depuis 1992, ou 11 ou 12, que nous dénonçons dans cette émission, qui est dans sa 19e année, là-bas, si j'y suis. Sa 19e année ? Sa 19e année, mon gars. Et qu'on nous faisons la critique de... l'économie de marché, l'ouverture des marchés, de l'économie financiarisée. Ce qui nous a valu d'être marginalisés, critiqués, caricaturés, comme vous êtes en train de le faire. L'effondrement des bourses et l'effondrement financier est en train de nous donner quand même raison. Et c'est un constat amer, on aurait préféré qu'on ne pas en passer par là, mais vous voyez, la secte là, elle, en ce moment, on lève un peu la tête. Vous êtes content, hein, la secte elle... Non, on n'est pas content parce que c'est beaucoup de souffrance pour beaucoup de monde, ce qui se passe en ce moment. 700 milliards de dollars qui viennent des poches des contribuables américains, c'est quand même pas mal. Et c'est de l'argent qui ne va pas sur d'autres budgets. Mais enfin, c'est quelque chose dont nous parlons et nous agitons effectivement nos clochettes depuis bien des années. Et voilà. Très bien. Poursuivons dès à présent nos investigations, Monsieur Mermet. Je vous rappelle que vous êtes devant nous ce matin pour tenter de nous éclairer sur certains symptômes inquiétants de votre comportement psychique. Et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que vous êtes réellement dangereux pour notre société. Cela dit, figurez-vous que l'éthique du ministère psychique refuse toute erreur clinique. Nous ne voudrions pas vous interner à tort. Et pour vous éviter cette perspective, Monsieur Mermet, nous blindons nos expertises. Ainsi, ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir votre dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait, pour ainsi dire, obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien. Pour mieux comprendre Daniel Mermet, moi, je me suis plongé dans sa production littéraire la plus sulfureuse. Un ouvrage nocif, à savoir le livre de Daniel, bien entendu. Ah, alors, qu'est-ce que le livre de Daniel ? Eh bien, c'est un des livres de la Bible dans l'Ancien Testament, juste après celui d'Ézéchiel, dont nous parlait justement en début d'émission Louis Armstrong et son Ézéchiel saut de Will, autrement dit, Ézéchiel change un pneu. Et ça raconte quoi, ce livre de Daniel ? En gros, c'est la vie de Dani, un juif exilé à Babylone, qui devient un cador à la cour de Nabucodonosor, car Daniel interprète les songes tout comme, sur Inter, Daniel squatte les ondes. Et oui, Daniel est le réceptacle de toutes les angoisses du peuple de Babylone, du genre... Oh, salut Daniel, c'est super ce que tu fais tous les jours, parce que tu dénonces le trafic par les multinationales du palmier dattier et les cadences infernales dans le curage des canaux d'irrigation. Alors je donne rendez-vous mercredi soir à tous les camarades modestes mais géniaux au pied de la ziggourate de Ninive pour un rassemblement de faucheurs volontaires anti-OGM. Continue Daniel et bon courage. Alors, c'est quoi dans la Bible ces rêves que Daniel doit interpréter? Eh bien, par exemple, Nebuchadnezzar, le successeur de Nabucodonosor, voit en songe une statue colossale avec la tête en or, la poitrine en argent, le ventre et donc les reins faits des reins et les jambes en fer. Le tout reposant sur des pieds d'argile, c'est bien entendu l'illustre colosse aux pieds d'argile. Oui, bon, c'est sûr, le souverain babylonien, il aurait pu un peu se creuser la tête pour comprendre que le colosse au pied d'argile, ça veut dire que son empire est fragile. Mais le roi, il n'est pas très futé et il appelle Daniel pour avoir une explication. Et que dit Daniel? Eh bien, il tient son discours habituel. La tête en or, c'est les spéculateurs qui vampirisent le prolétariat, symbolisé par les jambes de fer. Et les pieds d'argile, c'est bien entendu l'image de la fragilité du système capitaliste états-unien qui va s'écrouler avec joie et fracas. Bon, le souverain babylonien lui dit « Calme-toi un peu, Daniel, ça va te passer. Et surtout, mermez pas tes doigts n'importe où !» Alors, une dernière chose pour terminer. Un des épisodes les plus connus de la vie de Daniel, c'est bien entendu celui de son aventure avec Suzanne. Ah ! Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, Suzanne, c'est une bien brave fille qui, un jour, va tranquillement se baigner. Et quand elle sort du bain, Suzanne, elle est tout simplement là-bas qui s'essuie quand deux vieux bourgeois libidineux l'abordent. Elle se refuse à eux, selon l'adage mésopotamien. Suzanne, ne te découvre pas d'un fil, mais Mermet, fais ce qu'il te plaît. Les vieillards, pour se venger, accusent Suzanne d'adultère, ce qui peut la conduire à la mort. Si elle est adultère, on l'abat si j'y suis. Mais Daniel, toujours dans sa soif de défendre les plus faibles contre les bourgeois, arrive à innocenter la dame. Ah, il est formidable. Il est formidable, ce Daniel. À tel point que Victor Hugo, l'auteur du Peuple de la mer, met en avant, dans la légende des siècles, la figure de Daniel. Et moi, je vous le dis, professeur Colin, ces Daniels-là, ce sont des spécialistes pour explorer et asticoter les fosses aux lions, mais aussi les mares aux crocos, les meutes de loups et les lacs aux requins. Qu'avez-vous à répondre, Mermet ? Superbe, superbe. Effectivement, Daniel, c'est un prophète, hein. C'est le livre du prophète. Oui. Où il figure auprès de Jézéchiel, Jérémie et quelques autres, effectivement. Non, non, très bien. J'avais peur d'être dans les vieillards avec Suzanne. Ah oh bah non, mais non. Je vois ah bah non. Quand j'ai vu arriver Suzanne, je me suis dit, ouh, je vais être dans les vieillards. Non, très bien, très bien, très courtois. C'est, mais c'est tout, tout ça est vrai. Hein. Oui, c'est bien, oui, bien sûr. Puisqu'il c'est vrai. Il l'a inventé d'un bout à l'autre, donc c'est vrai. Exactement. Alors le professeur Moudjé et moi-même avons scrupuleusement noté toutes vos réponses et je pense qu'après cette analyse comportementale, nous en savons un peu plus sur votre inquiétante tendance maniaco-révolutionnaire qui dénonce sans cesse ces injustices qui sont pourtant la voûte de notre système capitaliste. Troubles psychotiques évidents. Mais nous devons aller plus loin, Daniel, car le ministère psychique traque la vérité. La sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller votre inconscient, vous qui avez l'amour du partage. Partagez mon amour, partage-le à ton tour, fais valser les beaux jours, fais tanguer ces mots d'amour, faire tomber à mon tour mes mensonges et pour toujours te dire que je t'aime, te le balancer quand même, c'est grisant, excitant, d'enfin connaître tous tes amants, et puis d'en rire quand même, comme ils ont dû te trouver belle, et moi ça me fait rire, de les voir verts et puis blêmir, on est quand même ensemble. Qu'est-ce qu'on se ressemble? On va pouvoir enfin grandir pour de bon. On va pouvoir enfin ne plus se prendre pour des cons. On va pouvoir enfin, on va pouvoir enfin se tenir. Les ballons rouges de Guillaume Cantillon, comme le petit livre ou le drapeau. Explorer l'inconscient, telle est la mission du ministère psychique. Ainsi, après avoir cerné les symptômes schizophréniques du patient, l'équipe du professeur Colin poursuit maintenant son analyse et soumet le patient à la question. Alors, après avoir dressé votre alarmant portrait psychologique, monsieur Mermet, nous allons dès à présent entamer une série de tests un peu pervers, mais nécessaires afin de sonder votre inconscient. Vous vous amusez, hein ? Avant toute chose, nous allons débuter par quelques questions a priori très simples. Selon vous, monsieur Mermet, combien fait 8 au carré ? 64. D'après vous, le prestige du chef réside-t-il dans son mystère, Mermet ? Absolument. Il faut que le chef ne dise pas ce qu'il fait et ne fasse pas ce qu'il dit. Bon, passons dès à présent à notre test de Rorschach radiophonique concocté par le ministère psychique. C'est très simple, cher monsieur. Nous envoyons un extrait sonore et dans la foulée, vous nous dites à quoi il vous fait penser. Un peu plus compliqué comme exercice, mais adapté à votre cas. Vous êtes prêt, monsieur Mermet ? Absolument prêt. Allons-y. Écoutez bien, voici le premier extrait sonore, cher monsieur. Interprétez-le comme vous le souhaitez. Que vous évoque ce son ? Alors ça, c'est les étoiles qui tombent sur le prince charmant. Hein ? C'est les étoiles qui tombent sur le prince charmant et qui viennent de la baguette de Blanche-Neige. Vous voyez, ben, Blanche-Neige secoue sa baguette, si je peux m'exprimer oui, ainsi. Oui, oui. Il en descend des étoiles qui tombent sur le prince charmant, endormi. Il est endormi. Vous êtes poétique, Mermet. Oui, là, à l'instant, ça m'inspire. Un petit coup de poésie, de temps en temps, ça fait pas de mal. Exactement. C'est toujours de bon goût. Très bien. Voici le son suivant, monsieur Mermet. Nous vous écoutons, Daniel Mermet. Alors ça me rappelle, c'est un souvenir un peu difficile, parce qu'à la fois, évidemment, c'est le dentiste, mais c'est la dentiste. Ah, voilà. Parlons de la dentiste. Voilà, c'est la dentiste, et avec sa fraise qui est en train de mescagasser les crochets, comme on dit, oui. Mais en même temps, elle a une jolie blouse, enfin bien remplie, elle a une jolie poitrine en même temps. Mais donc, vous pensez à une dentiste voilà. En particulier ah, ou oh, pas oui, oh, ah oui, la oui, vôtre oh, alors oh, enfin, donc, c'est un souvenir ancien, mais ancien. C'était ce son-là. C'est assez ancien, parce que c'est quand même des fraises un peu anciennes que vous avez enregistrées. Là. Ouais. Donc c'était assez bizarre, parce qu'à la fois une sorte d'appréhension de la roulette et un désir pour cette femme. Voilà. Ouais. Et vous étiez bien installé sur le... C'était bizarre, c'était entre l'attirance, hein, une attirance bien, voilà, et puis la souffrance. Passons à l'extrait sonore suivant. J'ai été coupable de conspiration. Dans le secret de mon cœur, seul, avec moi-même, j'ai conspiré. J'ai conspiré pour la paix, pour l'amnistie. Pour le respect des lois, pour la tranquillité publique, j'ai conspiré pour le bonheur et la justice. La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants. Alors, monsieur Mermet. Superbe, c'est qui ? L'acteur, c'est Depardieu, qui joue le rôle de Danton. Mmh. C'est qui ? Depardieu. Ah, d'accord. Il a dit Depardieu. Je vois. Demandons à Mermet ce qu'il pense de ce son de Danton, qui du coup vient... Qui dit que la révolution mange ses enfants ? Oui, comme Saturne. C'est pas vrai. Danton se trompait. Vous n'y croyez pas. C'est pas que révolution parle. Mais Danton quoi ? Oui. Bon, on continue parce que là, c'est plus possible. Je cherche. Alors, maintenant, je vais vous citer une liste de personnalités. Mm-hmm. Et vous y accolerez un seul et unique adjectif. D'accord ? Un M dropping. Exactement. Allons-y, Mermet. Si je vous dis Mao Tse-tung. Nul. Jackie Sardou. Mm. Pardon ? J'ai le droit à faire un petit bout. Non. Je fais... Jackie Sardou. Mais vous imitez la Jackie Sardou. Cessez, Daniel Mermet, cessez. On enchaîne. Carla Bruni. Vous imitez encore une fois Carla Bruni, Daniel Mermet. Saddam Hussein. Bof. Jésus. Bof. Daniel Mermet. Ah là là là là. Là, on enchaîne pas sur bof, hein. Flagrant délit de mégalomanie. Notez, professeur Mauduit. Très bien. Attention, cher monsieur, voici maintenant le son suivant de notre test de Rorschach radiophonique. Ne me dis plus-tu, je sais tout, c'est tu. Je t'en supplie, ne me dis plus tu. Alors, votre réaction, monsieur Bermet ? Chef-d'œuvre absolu, Fernandel. Très bien, nous sommes d'accord avec vous. Le tutoiement. Et il avait une chanson qui est rare, qui s'appelle le cul du berger sentira toujours le thym. Et le cul du berger sentira toujours le thym. Mm-hmm. Et le cul du berger sentira toujours le thym. C'est très bien, bon, mais c'est parfait. Non, mais c'est effectivement un écho à l'interrogation de tout à l'heure, donc c'était bien Danton. Du berger. Voilà. Nous poursuivons. Écoutez bien ces paroles de Gilles Deleuze. Un chien, c'est autre chose. Alors, ce que je reproche fondamentalement au chien, c'est d'aboyer. Quoi. L'aboiement m'apparaît vraiment, mais le cri le plus stupide. Quoi. Dieu qui a des cris dans la nature, il y a une variété de cris. Ben, l'aboiement, c'est vraiment la honte du règne animal. Quoi. Alors, qu'en dites-vous, monsieur Mermet ? J'ai beaucoup d'admiration pour Deleuze, qui avait cette supériorité sur. Auquel on le compare, c'est qu'il avait de l'humour. C'est vrai. Et voilà, ceux qui, auxquels on compare, moins. Et ou pas, voire pas du tout. Et, j'aime beaucoup sa métaphore sur le pouls de mer. Le pouls de mer. On vous écoute. Et Gilles Deleuze pensait qu'il fallait qu'on copie le comportement du pouls de mer. Que fait le pouls de mer ? Le pouls de mer, il est sur le sable comme ça, comme vous et moi, on est en ce moment. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est, il avance, il voit pas très bien où il va. Mais il fait cette chose extraordinaire, le pouls de mer, c'est que de temps à autre, il fait un bond pour qu'il lui permette d'envisager le panorama autour de lui. Après quoi, il retombe et il continue sa vie de pouls comme ça, qui essaye d'avancer dans le sable. Et je trouve que c'est une très belle leçon, d'être capable de sauter en l'air comme ça, vous voyez, pour faire le point, pour voir les choses de haut, prendre les choses de haut, et puis retomber ensuite parmi les contemporains. Et je trouve que c'est une belle métaphore. Professeur Mauduit ? Merci Jacques Trémolin. Merci beaucoup Jacques Trémolin. Vous êtes un vrai roublard, mais nous nous en doutions. Aussi, je crois qu'il est temps pour vous de passer à l'étape suivante. Nous allons vous confier aux mains de l'infirmier en chef du ministère psychique. Rassurez-vous, il a une grosse voix, mais depuis longtemps, ses méthodes ont fait preuve d'efficacité. Appelez notre infirmier, professeur Mauduit. Infirmier, pointez-vous au labo. Infirmier. Ce qu'il y a encore, là, chef. Bon, amenez-vous, infirmier. On a un patient qui est évidemment un peu compliqué, réfractaire aux questions. Il cherche à détourner un peu notre attention. Camarade, oui. Mermet. Ah, Mermet. Mais oui, Mermet, voilà, exactement. Daniel Mermet. Donc, on va vous le confier quelques minutes. Il est en train de s'amuser avec son grelot, là. Vous savez, il est quand même pas très bien. Ça voilà, on le laisse jouer parce qu'il est un peu. Mais j'ai du boulot, professeur. Et j'ai pas que ça à faire, moi. Allez, bon. Alors, vous allez prendre notre patient allez. Avec vous quelques minutes et on vous le laisse. Alors, allez-y. Merci. Mermet. Oui. Ça va bien ? Pochon, ça va. Ne me traitez pas de cochon à l'antenne comme ça. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je vais tout faire pour vous interner, monsieur Mermet. J'ai besoin de vous dans cet hôpital. Mes conditions de travail sont insupportables. Je veux que vous me défendiez. Alors, à la douche, parce que toute bonne inspection commence par une douche. On se déshabille, monsieur Mermet. Alors, oui, parce que je sais, les gens, souvent, ils veulent pas prendre de douche. Les baroudeurs comme vous, ils font le tour du monde. Mais ils passent jamais par la case douche. D'ailleurs, vous êtes plutôt bain ou douche ? Douche. Ah, c'est ça. Vous savez qu'il y avait un grand patron qui disait « Moi, avant d'embaucher, je demande à au futur employé, vous êtes bain ou douche ?» Et souvent, le gars disait « douche » en disant « je vais me faire bien voir ». Et en fait, non, il préférait le bain, le patron, parce qu'il disait « quand on prend un bain, on a le temps de réfléchir aux problèmes de la journée ». Mais bon, vous avez dit « douche ». D'ailleurs, à propos de patron, qu'est-ce que vous pensez de la chute du CAC 40, tout ça, ça Excellent. Faut que ça tombe encore plus bas. Oh, moi, je suis bien d'accord avec vous, parce que alors, là, moi, tous ces gens qui ont des actions, alors, oh là là là. Allez, on frotte bien, monsieur Mermet, partout. Allez. D'ailleurs, vous qui allez partout, vous avez un conseil pour les vacances, parce que vous connaissez le monde entier maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez ? La Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne ? Ouais. Mais un endroit précis en Seine-et-Marne ? La Ferté-sous-Jouarre. La Ferté-sous-Jouarre. Ah, ben, je note, ça me coûtera pas cher, comme ça, la Ferté-sous-Jouarre. Bon, bah très bien. Et si vous deviez vous installer, vous, quelque part, maintenant que vous avez fait tout le tour, vous vous installeriez où ? La Ferté-sous-Jouarre. C'est quand même pas malheureux, ça, faire le tour du monde pour terminer à la Ferté-sous-Jouarre. Enfin, terminer, non, mais provisoirement. Bon, d'accord. Alors, pour votre chambre, monsieur Mermet, le mercredi, vous avez droit à Ciné Hebdo ou Charlie Hebdo. Il faut choisir. Ah, mais mon choix est fait, c'est Ciné Hebdo. Très bien. Jamais Charlie Hebdo chez moi. Pour la télévision dans la chambre, vous la voulez, la télé, ou vous... Non. Non, vous la gardez. C'est bien, c'est bien. À propos, là, il y a un mouvement social qui est en train de se déclencher. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est les footballeurs. Les footballeurs ont déposé un préavis de grève pour le 23, 24, 25 octobre. Il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Bah, bien sûr. Parce bien que c'est sûr, quand même des gars qui gagnent à peu près, je sais pas moi, 250 000 euros. Eh bien, la vie n'est pas facile, monsieur Mermet. Mais pas du... Bien sûr. Alors, on va les soutenir. J'espère que vous allez vous engager à fond dans ce mouvement. D'ailleurs, j'ai vu que cette semaine, il y avait des... HP, alors j'ai cru que c'était l'hôpital psychiatrique qui avait, mais c'est pas, c'est Hewlett-Packard, ils ont été condamnés à payer à leurs 293 salariés plus de 2 millions d'euros. Ça fait 7 000 euros chacun. Moi, j'aimerais bien que l'hôpital psychiatrique là, soit condamné pour qu'on touche un petit peu d'argent. De même que la société Arena, voilà. Fabrication de maillots de bain, de compétition, a été condamnée à payer à ses ouvrières des sommes très confortables. Deux succès dans nos luttes. Vous avez fait un reportage sur les maillots de bain, je m'en rappelle. Non, sur les ouvrières d'Arena, mais pas sur les maillots de bain. Oui, enfin bon. Infirmier, oui. Ramenez le patient, infirmier. C'est bon, j'ai fini. Vous séchez bien, monsieur Mermet, vous me suivez. Alors, professeur, que je vous dise une chose. Oui, allons-y. Absolument l'internet. Vous savez ce qu'il a dit? Ah ben, on sait, on le sait bien. Il vous a traité de Mengele de la psychiatrie. Non, mais ça va pas ou quoi? Il a dit ça, Non, mais ça va pas ou quoi? Moi, j'y vais, j'ai long corps chétif à soigner. Il faut que je lui augmente ses doses parce qu'il paraît qu'il va pas bien. Eh oui, il va pas très bien. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup, infirmier. Pendant que vous vous séchez, monsieur Mermet, et n'oubliez pas de renouer votre catogan, redécouvrons le temps d'une courte musicothérapie. Les œuvres d'un authentique patient névrotique du ministère psychique. Dans la ville de Bassora, aux mille palais d'or, sachant que la meilleure loi est celle du plus fort, vivait un puissant calife cruel et qui despotiquement tenait dans ses griffes le destin de l'Arabie. Le monarque était perverti jusqu'au bout des talons, et tous les jours dans des orgies dignes d'un étalon. Tout comme ceux qu'on éduque chez les jésuites en carême, il préférait les eunuques aux filles de son harem. Dans le harem de Bassora, les épouses vexées de ne jamais sentir du roi les hommages empressés, cherchèrent un subterfuge qui fasse à leur souverain les effets d'un vermifuge mi-raisin. Oh, quel humour alors! Et bientôt le sort désigna la belle Scheherazade qui était douée d'un don d'imagination. Et pendant mille et une nuits, elle lui fit des récits qu'il trouvait fort à son goût des contes à dormir debout. Au bout de mille et une nuits, quand l'histoire fut finie, pour prendre l'air, il sortit dans les jardins du palais. Mais voilà Tipa qu'il surprit son eunuque favori, pratiquant la sodomie avec un touriste anglais. De rechef, le monarque outré fit venir le bourreau et commanda que fût coupée la tête du maraud. Mais au moment où sa nuque allait être raccourcie, humblement le bel eunuque se mit à genoux et dit: ô commandeur des croyants, maître de l'Orient, écoute ma requête, ne me fais pas couper le cou, ce serait inutile et bête. Je suis eunuque de métier, alors daigne considérer qu'un eunuque décapité, ça n'a vraiment ni queue ni tête. L'eunuque, c'était Jean-Yann, pervers, polymorphe, notoire, mais ô combien jubilatoire. La linguistique, au sens moderne, n'était pas constituée au temps de Freud. Ce que Freud décrit pourtant s'articule de façon parfaitement lisible comme mécanisme linguistique. Au pluriel. C'est fort joli, n'est-il pas vrai? Alors, Le vénérable professeur Lacan vient de nous entretenir de la linguistique freudienne. Et, comme vous le savez, monsieur Mermet, notre ami Sigmund fut le Christophe Colomb de l'inconscient, terra incognita, où il a démontré que nos actes manqués et lapsus révèlent bien souvent la part refoulée de notre conscience. Et, voyez-vous, cher monsieur, vous venez ce matin de répondre à nos questions, mais d'après nos tests, certains aspects de votre personnalité restent à éclaircir. C'est pourquoi nous allons approfondir notre évaluation psychologique pour nous aider à faire ressurgir votre moi le plus profond. Ne voyez aucune malice à nos questions, monsieur Mermet, et répondez-y franchement le plus naturellement possible, on gagnera en efficacité. Allons-y. Pour commencer, comme chacun sait, vous êtes un personnage énigmatique, toujours en vadrouille, le cul bordé de nouilles, et passionné par les fables. Alors, que répondriez-vous à ceux qui pourraient vous comparer à Corto Maltese, monsieur Mermet ? Et je repense à Lacan, qui disait... Je réponds à votre question là. Oui, oui, allez-y, on est là pour qui ça. Qui disait « les non-dupes errent ». Ça veut dire « ceux qui ne sont pas dupes sont errants ». Errants. Oui, les non-dupes errent. Voilà, c'est une réponse, je trouve, à vos questions sur le voyage, Corto-Maltese, le nomadisme dont on a parlé tout à l'heure. Les non-dupes errent. En effet, vous voyagez en solitaire, le magnétophone Lagra en bandoulière et vous jouez au radio-reporter. C'est moi le radio-reporter, ça c'est un métier qui a du charme. D'abord presque toujours à l'air, mais je commence, oh quel vacarme. Si vous n'êtes pas un idiot pour les reportages en radio, écoutez Pipi, écoutez Pipi, écoutez Daniel Pinoche. Ce n'est pas toujours spirituel, mais ça part d'un bon naturel. Écoutez Pipi, écoutez Pipi, écoutez Pinoche, Daniel. Ouais. Alors, Daniel, quel métier croyez-vous réellement exercer ? Alors, je suis embêté par cette archive avec la voix de Georgius parce que je me vois comme une majorette. Tiens donc, qu'en est-il ? Voilà, parce que je pense que les journalistes sont les majorettes du capitalisme. Et Eric Altman, qui est un grand critique de la presse aux États-Unis, dit que les journalistes sont les pom-pom girls du capitalisme. Et donc, j'ai fait une traduction française de ça. Je pense que nous sommes les majorettes du capitalisme. Ainsi, vous nous avouez que vous vous sentez l'âme d'une majorette. Et vous n'ignorez point, cher monsieur, qu'en effet, l'univers des majorettes n'est pas si loin de la sphère merveilleuse des médias. Eh, tu sais que j'ai fait majorette pendant 2 ans, moi ? Non ! Si ? Oui. Mais si t'as fait majorette, tu peux tout faire ! C'est la meilleure école, majorette ! Ah bon ? Tu sais que la plupart des gens de la télévision ont commencé majorette ! Oh, je savais pas, eh ! Surtout que j'étais très très douée, moi. Je lançais le bâton à 3-4 mètres de haut. Toi, j'aurais insisté. Mais tu l'aurais lancé à 5-6 mètres ! Eh ben, peut-être. Ça, j'avais pas pensé, mais peut-être. Alors, Mermet, auriez-vous aimé faire de la télévision ? Non. Mais autrement que celle qu'on nous inflige. Oui. J'en ai fait d'ailleurs. J'ai fait des reportages pour la télévision. Quel reportage ? Alors, j'ai fait toute une série de reportages pour une émission qui s'appelait « Moi, je », dont j'avais trouvé le titre. Ah, comme quoi, tout est dans tout. Alors, justement, vous avez le ça, goût... C'est vrai ce que vous dites là, que tout est dans tout. Oui, j'en suis convaincu. J'en suis absolument convaincu. Ça, je peux noter cette phrase. Allez-y, notez-la. Ouais, merci. Notez-la, vous merci. Verrez, elle vous mènera loin, Daniel Mermet. Très bien. Vous aviez le goût du. Nous... J'ai pas perdu ma. Non, mais vous allez voir. Vous allez voir en plus. Notre enquête, cher monsieur, dans nos recherches à votre propos, vous aviez le goût du fait divers et de l'anecdote. Mais... Chien écrasé, Daniel Mermet. Dur comme un lundi. San Diego, Californie. Elle a 16 ans. Elle s'appelle Brenda Spencer. Elle est planquée dans la maison toute la journée de lundi. Elle dira, moi le lundi, ça me donne le cafard. Et tout lundi, elle a tiré sur l'école qui est en face de chez elle. Elle a tué le directeur, un policier et blessé 9 autres personnes. Elle a fini par se rendre à la police. Selon la police, Brenda Spencer avait fumé de la marijuana, avalé des barbituriques et bu tous les whisky qu'il y avait dans la maison. À un journaliste qui avait réussi à la contacter par téléphone pendant le siège, Brenda a répondu que son idée, c'était juste de mettre un peu d'animation et sûre que son père allait être sacrément fier quand elle verrait ce qu'elle sait faire avec le cadeau qu'il lui a fait pour Noël. Alors, Mermet, dites-nous, qu'est-ce que vous aimez dans la rubrique des anecdotes et clébards écrasés ? Mais j'adore le fait divers, en fait. Je ne devrais pas, mais... Et surtout à cette époque-là, j'adorais les faits divers. Le jeu consistait à prendre un tout petit, quelques lignes, un petit fait divers, comme ça, bien tassé, et d'imaginer, de partir sur une fiction à partir de ça. J'ai fait une année comme ça, sur Inter à l'époque, qui s'appelait Chair de poule. Chair de poule. Ouais, c'est ça. Et comme ça devenait de plus en plus sinistre et que ça finissait par me faire peur à moi-même, j'ai inventé un personnage qui s'appelait Ugly. Ugly. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors maintenant, nous allons passer à la conclusion de notre démonstration. Alors, après toutes nos pérégrinations psychiques, résumons, monsieur Mermet, ce que nous venons d'apprendre à votre propos. Primo, certes, vous êtes un radio-reporter, mais vous auriez pu faire de la télévision à votre manière. Vous en avez même sans doute eu l'envie, votre côté majorette. Ensuite, vous avez une passion pour les histoires autour des petites gens et vous vous intéressez aux anecdotes avec un point de vue subjectif. Et vous êtes proche des préoccupations des gens simples. Et enfin, vous avez reconnu avoir plus d'un tour dans votre sac. Disons que vous êtes un gros filou, Daniel Mermet. Mais vous vous rendez compte, Mermet, ce que vous êtes en train de nous dire? Vous saisissez ce que votre inconscient nous révèle? Je crains que nous venons de mettre à jour votre véritable désir, Mermet. Découvrons votre mentor. Comment les riches détruisent la planète? C'est la première fois qu'un tel événement se produit. Un suspect a été arrêté. C'est bien comme titre, parce qu'on se dit, voilà, on sent que les riches vont en prendre un coup, quoi. Nos confrères de Sud-Ouest ont même offert un autocollant 64 pour les Pyrénées-Atlantiques. On va dire du mal des riches, et ça peut être que sympathique. Cet été, on a beaucoup parlé des ravages des jeunes huîtres du bassin depuis au moins 40 ans. Et ce capitalisme, évidemment, engendre tous ces dégâts à l'environnement. En commençant aujourd'hui par l'un des derniers tourneurs sur bois qui fabrique des appos. Ce sont des petits instruments qui imitent, vous savez, le chant des oiseaux. C'est truffé de... Enfin, vous êtes journaliste quand même, hein, et il y a beaucoup de précisions, c'est très sourcé. Et demain, on continuera avec un fabricant de poulies marines. Alors, quel est l'état de cette crise écologique que vous appelez crise écologique durable? Comme pour la récolte des pommes ou pour les vendanges, de plus en plus de retraités cherchent des champignons pour les vendre eux-mêmes et arrondir leur fin de mois. Mais ça, on le dit partout, on l'entend partout. Autre sujet de saison, avec la fraîcheur du petit matin, vous êtes déjà nombreux à avoir rallumé le chauffage. L'occasion de rappeler qu'il est temps de faire entretenir vos chaudières. Et l'acquisition de ces objets symboles, vous appelez ça l'idéologie du gâchis, je crois, à un moment, sert de substitut à... ce qui était autrefois l'ascenseur social. Et n'oubliez pas le rabonnage des cheminées, c'est obligatoire aussi. En quoi est-ce que ces riches, cet enrichissement des riches, ou des super riches, gâtent l'environnement? Toujours lié aux produits de la nature, une fête splendide ce week-end en Bretagne, la fête des courges et autres cucurbitacées comme tous les ans. Il y en a 500 variétés en Bretagne et pour l'occasion, on en a récolté 20 tonnes. On voit que le capitalisme peut très bien se développer n'importe où. Dès lors qu'il a une certaine stabilité, tout va bien. Voilà, l'art et la manière de savoir s'écarter des cornes du taureau, d'où le nom de championnat de France des écarteurs. Qu'en dites-vous, monsieur Mermet? Une vocation ratée, peut-être? Qu'il y a dans le monde journaliste des grands écarts. Des grands écarts, oui, effectivement. Des grands écarts. Une différence entre vous et Pernaud est assez visible. Alors, avant de passer au diagnostic, nous avons un petit cadeau à vous faire, puisque nous avons ici des patients qui sont bien plus malades que vous, qui sont des pensionnaires à vie, mais qui écoutent vos prestations radiophoniques. Alors, écoutez ce qu'a composé pour vous un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici « long corps chétif », qui vous offre ce présent, les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien, Daniel. Tu défends les petits, les graisseux, les sans grades. Grâce à toi, ils sont debout, les damnés de la terre, et de la mer aussi. Grâce à toi, ils sont debout, les forçats de la faim, et du début aussi. Daniel, tu soulèves la voix des altères mondialistes. Ici, on soulève de la fonte, au club des haltérophiles. Tu vois, on est pareil. Tu défends même les marchands de cigarettes et les buralistes. Quand ils vont à la manif, c'est avec ton slogan. Ce n'est qu'un débit, continuons le tabac. Malgré tout, toi, tu es contre les profiteurs. Et moi, je suis pour les profiteroles. Chocolat. Ouais, vive la lutte finale de Coupe des Champions avec Daniel, les patrons poltrons l'auront dans le fion. Oui à mes mères, oui à mémé, oui à mermé. Je suis trop con. Merci, l'encore chétif. Alors, Daniel Mermet, pourriez-vous prendre en stage notre grand malade dans votre équipe, votre secte plutôt d'ailleurs ? Le gars qu'on vient d'entendre. Oui, est-ce que vous pourriez le prendre en stage chez vous ? Il y a du boulot, hein ? Ah, il y a du boulot ? Il y a du boulot. Et en même temps, on peut vous faire confiance, vous pouvez peut-être le rasséréner, je ne sais pas, non ? Il faudrait qu'on en discute, hein, parce qu'il y a vraiment du boulot là, pour le rendre drôle. Bon, mais on va essayer de voir ça, on va essayer de voir ça. Nous notons votre réponse et passons dès à présent au moment crucial de notre analyse. Mais il est complètement fou, ce mec ! Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Après nos pérégrinations psychologiques, il est grand temps, Monsieur Mermet, de vous confronter au redoutable diagnostic différentiel de votre personnalité. Bon, vous l'avez bien compris, Daniel, vous êtes gravement atteint, nous le savions, la France Inter le savait, et le gouvernement depuis longtemps le sait aussi. Vous êtes un authentique critique de notre système capitaliste qui est pourtant si généreux, si solide et tellement fiable, merde. Alors Daniel, il va falloir vous débarrasser de votre babouvisme crasse, il va également falloir vous débarrasser de votre étiquette si confortable de contestataire en cage mais qui ne fait pas peur, comme un lion dans un zoo. C'est pourquoi, afin de vous éviter la camisole, vous avez maintenant quelques instants pour vous lancer dans une autocritique. Le ministère psychique vous écoute, Monsieur Mermet. Ah, il faut que je fasse mon autocritique. Eh oui, c'est comme ça, ici. Bon, alors je vais changer. C'est ça que vous voulez ? Mais c'est un peu mince comme autocritique. Non, je vais changer. Je vais, alors dites-nous. Je vais mincir. Oui. Puisque vous m'avez comparé à un lion en cage, je vais mincir, je vais passer entre les barreaux et je vais devenir dangereux. C'est parfait. Ça vous va, ça ? C'est parfait. Vous échappez à la cellule capitonnée du ministère psychique. Vous êtes libre de regagner le monde extérieur, Daniel Mermet, mais nous ne manquerons pas de surveiller dès lundi prochain à 15h sur France Inter l'effet de notre traitement. Sinon, nous vous internerons immédiatement. À bientôt, Monsieur Mermet. À bientôt. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais qu'en sera-t-il la prochaine fois ? Voilà, c'est la fin de la 5e consultation du ministère psychique. Nous vous remercions grandement, Daniel Mermet, de vous être prêté à cet exubérant exercice. Nous vous retrouvons dès lundi en direct sur France Inter à 15h, là-bas, si vous y êtes, et vous y serez. Merci beaucoup, Monsieur Mermet. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Mainviel. Merci, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaugelet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefaillère pour ses idées complémentaires, Hervé Pochon et Julien Dugast pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, qu'à partir de la semaine prochaine, le ministère psychique s'attaque à des patients très particuliers puisque dorénavant, nos clients seront entre autres Elvis Presley, Coluche ou Jésus. En attendant, nous vous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace, nouvelle version. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Mais ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?